L'expression, toujours actuelle, liste civile, renvoie à la dotation annuelle consentie à un chef d'État. Millions, millions, châteaux, liste civile. Un jour, je descendis dans les caves de l'île. Je vis ce morne enfer. Des fantômes sont là, sous terre, dans des chambres, blêmes, courbés, ployés, le rachis tord leurs membres dans son poignet de fer. Jamais de feu. La pluie inonde la lucarne. L'œil, en ces souterrains, où le malheur s'acharne sur vous, ô travailleurs, près du rouet qui tourne et du fil qu'on dévide, voit des larves errer dans la lueur livide du soupirail en pleurs. Misère. L'homme songe en regardant la femme. Le père autour de lui, sentant l'angoisse infâme étreindre la vertu, voit sa fille rentrer, sinistre, sous la porte, et n'ose, l'œil fixé sur le pain qu'elle apporte, lui dire « D'où viens-tu ?» Là dort le désespoir, sur son haillon sordide. Là, l'avril de la vie, ailleurs, tiède et splendide, ressemble au sombre hiver. La Vierge, rose jour, dans l'ombre est violette. Là, rampe dans l'horreur, la maigreur du squelette, la nudité du ver. Là, frissonne, plus bas que les égouts des rues, famille de la vie et du jour, disparue, des groupes grelottants. Là, quand j'entrais, farouche, aux méduses pareilles, une petite fille à figure de vieille me dit « J'ai 18 ans. » C'est de cette détresse et de ces agonies, de ces ombres où jamais, dans les âmes ternies, espoir tu ne vibras. C'est de ces bouges noirs pleins d'angoisses amères, c'est de ce sombre amas de pères et de mères qui se tordent les bras. Oui, c'est de ce monceau d'indigence terrible que les lourds millions, étincelants, horribles, semant l'or en chemin, rampant vers les palais et les apothéoses, sortent, monstres joyeux et couronnés de roses, éteints de sang humain.